Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Fadjet pour votre émission de vulgarisation scientifique, Mi-Science Impossible. Si vous ne nous connaissez pas encore, Mi-Science Impossible est une émission durant laquelle les agents Bertrand, bonjour Bertrand. Bonjour Gaëtan, bonjour Justine, bonjour à tous. L'agent Justine, bonjour Justine. Et bonjour Gaëtan et Bertrand et bonjour à tous. Et donc moi-même, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous explique à chaque émission le fonctionnement de quatre phénomènes physiques ou chimiques. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, l'ENSIC est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement, passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Mais voyons plutôt un aperçu du programme du jour. Agent Justine, quelles sont tes missions ? Alors, je vais passer d'un sujet douceur à un autre plus piquant. En effet, je vais vous raconter le processus de fabrication de la laine, mais aussi vous expliquer pourquoi notre bouche s'enflamme quand nous mangeons un piment. Ah oui, effectivement, on passe par toutes les sensations avec toi. Tu nous en diras un peu plus dans quelques instants. Et toi Bertrand, quels sont les sujets qui ont retenu ton attention ? Eh bien, pour ma part, vous le verrez, mes sujets sont un petit peu liés, puisque j'ai décidé de vous parler dans un premier temps des stylos à encre effaçables, pour ensuite vous emmener dans l'univers incroyable des cristaux liquides. En voilà un beau programme. Et puisque la connaissance n'attend pas, Bertrand, je te redonne tout de suite la main pour que tu nous en apprennes plus sur les stylos à encre effaçables, le partenaire indispensable des écoliers, mais pas que. Merci Gaëtan. L'autre jour, j'ai dû aller acheter un stylo pour passer mes partiels, le précédent ayant rendu l'âme, paix à lui, et donc j'ai vu ces stylos à encre effaçable. J'en avais souvent vu dans les trousses de mes camarades, et c'est quand même vrai que c'est sacrément pratique. Au lieu de faire un gros pâté sur la copie, on frotte la gomme et l'encre disparaît. Bon, dans le pire des cas, on a déchiré la copie, mais dans tous les cas, l'encre disparaît. Mais pourquoi disparaît-elle ? La raison est simple, et vous vous plaignez peut-être de ça en ce moment même, c'est la chaleur. Lorsque l'on frotte la gomme contre la feuille, vous chauffez la feuille, donc l'encre qui s'y trouve, et l'encre disparaît. Mais disparaît-elle vraiment ? La réponse est non. Dans l'encre de ces stylos, dits à encre effaçable, les pigments colorés sont en fait des molécules thermochromes. Thermo désignant la température et chrome la couleur, ce sont donc des molécules qui changent de couleur en fonction de la température. Si vous frottez la résine de la gomme sur la feuille, vous pouvez faire facilement monter la température de la feuille à plus de 60 degrés Celsius. Et c'est à cette température que l'encre devient invisible. Sachez néanmoins que ce processus, la disparition de l'encre, est un processus réversible. Comment ? Même problème, même solution. Il suffit de changer la température. Pour les agents secrets qui nous écoutent, chers collègues, vous pouvez aisément envoyer des messages secrets comme ça. Vous écrivez votre message, par exemple, seul le druide détient le secret de la potion magique. Vous effacez, soit avec votre résine, soit avec un briquet, mais faites attention à ne pas mettre le feu à votre feuille. Et votre correspondant devra alors mettre la feuille au frais, dans un congélateur par exemple, et l'encre réapparaîtra. Sinon, ces molécules dites thermochromes sont aussi utilisées dans de nombreux domaines, dont le domaine médical. Si vous avez connu, comme moi, les thermomètres que l'on vous collait sur le front et qui changeaient de couleur en fonction de votre température, c'est exactement le même fonctionnement. Ce sont à l'intérieur des molécules thermochromes. Ces stylos-là m'ont bien souvent sauvé la mise. Surtout quand tu te rends compte que tu as écrit une grosse bêtise à 5 minutes de la fin d'une épreuve. Pour éviter de ressasser de mauvais souvenirs, faisons une petite pause en écoutant Dark Necessities des Red Hot Chili Peppers et on se retrouve tout de suite, juste après, sur Fadjet. What do you say? Nous sommes de retour sur Radio Fadjet et vous êtes dans votre émission de vulgarisation scientifique Mi Science Impossible. L'agent Bertrand nous a expliqué, en début d'émission, comment fonctionnaient les stylos dont l'encre s'efface en frottant avec une gomme. Poursuivons notre émission en découvrant ce qui provoque la sensation de piquant quand on croque dans un piment. Agent Justine, je te laisse nous en dire plus. Alors, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on sait tous ce que ça fait quand on mange un piment. Plus ou moins fort, mais bon, c'est à peu près pareil. On a l'impression qu'un incendie est en train de détruire notre langue. On cherche alors par tous les moyens à soulager cette brûlure, en ouvrant grand la bouche ou en buvant de l'eau, ou toute autre technique qui vous est propre. Mais comment ce petit piment peut-il faire autant de ravages ? Eh bien, voyons ça. Il y a quelques mois, on avait vu comment fonctionne le goût, grâce aux récepteurs sur la langue qui reconnaissent le sucré ou le salé, mais aussi le chaud et le froid. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le piment ? Il possède une molécule qui s'appelle la capsaïcine, qui est d'autant plus présente que le piment sera fort, et qui est donc quasi absente dans le poivron. En arrivant dans notre bouche, elle va alors déclencher les mêmes signaux que ceux qui doivent se manifester lors d'une brûlure. Normalement, ces récepteurs ne s'activent que lorsque quelque chose supérieur à environ 40 degrés rentre en contact avec, ou bien s'il y a une substance très acide. Mais la capsaïcine envoie donc les signaux au cerveau comme si quelque chose vous brûlait. Bon, heureusement, il n'y a aucune lésion dans notre bouche après. Mais comme je le disais au début, on a souvent le réflexe de boire de l'eau pour soulager ça. Malheureusement, ça ne changera pas grand-chose. Il vaut mieux opter pour quelque chose d'un peu gras, comme du lait ou du fromage, car la molécule n'est pas soluble dans l'eau. D'ailleurs, on a une échelle pour mesurer la force d'un piment, qui s'appelle l'échelle de Scoville. Et plus le chiffre est grand, plus le piment est fort. D'ailleurs, le piment le plus fort déclaré est le California Reaper, avec un score de 2 200 000. Enfin, pourquoi le piment produit... une telle molécule, en fait ? Eh bien, c'est pour se défendre, tout simplement. Car seuls les mammifères sont sensibles à la capsaïcine, et également, en ingérant leurs graines, eh bien, on ôte le pouvoir germinatif, contrairement aux oiseaux, qui, eux, contribuent à leur dissémination. Donc pour le piment, il est plus intéressant qu'un oiseau avale plutôt qu'un mammifère pour assurer le maintien de son espèce. Et en parlant d'oiseaux, je laisse le soin aux plus courageux de goûter le piment oiseau, un des plus forts du monde également. Ne prenez aucun risque, si on vous le propose un jour, réfléchissez-y à deux fois. Je vais te laisser la parole, Bertrand, pour que tu nous parles des cristaux liquides. Pour ceux qui ne les connaissent pas, tendez bien l'oreille. Quand je vous parle de cristaux liquides, certains vont se demander si j'ai pas trop bu, parce qu'un cristal et un liquide, c'est quand même pas très compatible physiquement, et d'autres savent déjà que je parle de technologie. Un cristal liquide, qu'est-ce que c'est ? C'est un état de la matière qui combine à la fois les propriétés d'un liquide et ceux d'un solide cristallisé. Difficile à imaginer, hein ? Pour simplifier, vous connaissez les trois états fondamentaux de la matière, solide, liquide, gazeux. Eh bien, certains matériaux ne passent pas directement de liquide à solide facilement. Ils passent par de nombreux états intermédiaires qu'on appelle des états mésophases ou tout simplement cristaux liquides. Étant donné qu'ils sont à mi-chemin entre les deux en termes de structure, vous vous doutez que dompter ces états permet de faire énormément de choses technologiquement parlant. Eh bien, en effet, cette technologie, parce qu'effectivement manipuler ces états requiert une certaine technologie, est utilisée dans de nombreux domaines. La télévision, c'est le plus connu, le médical, le matériel scolaire, le domaine industriel, et j'en passe et des meilleurs. Sachez que ces matériaux permettent à la fois de capter et de régler la couleur, la pression et la température sans aucun souci, notamment grâce à des signaux électriques ou thermiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de matériaux thermochromes, il me semble, du thermomètre frontal, plus précisément. Eh bien, son fonctionnement est un poil complexe, mais comme il fonctionne grâce à cette technologie, je vais vous l'expliquer. En gros, lorsqu'un cristal liquide subit une variation de température, la distance entre deux molécules va varier, et leur torsion, dans le cas de molécules assez longues, va aussi varier. Ces variations entraînent une modification de couleur du matériau, mais ces variations ne sont pas toujours visibles pour nous, car nous ne captons pas toutes les ondes du spectre lumineux. Pour en savoir plus, je vous encourage à aller réécouter la chronique sur la couleur de la mer faite par Justine dans la toute première émission, qui avait très bien expliqué pourquoi nous voyons certaines couleurs et pas d'autres. J'ai parlé de changement de distance et de torsion, mais sachez que ces transitions sont réversibles, car ces matériaux sont élastiques à leur échelle. Essayez pas de tirer dessus, ça sert à rien. Le thermomètre frontal peut ainsi être utilisé presque à l'infini. Il change de couleur, donc il va avoir plus de couleurs vont apparaître si vous avez de la fièvre et elles vont disparaître ensuite. Je viens de vous donner un exemple de cristal liquide dont la propriété de couleur était changée par la température. Maintenant, je vais vous parler d'un autre cas dont la couleur change grâce à de l'électricité. Parfois, dans certains musées, vous voyez des œuvres d'art cachées derrière des parois en verre, où on vous spécifie de ne surtout pas utiliser de flash pour prendre des photos, histoire de ne pas les abîmer. Sachez que ces parois ne sont pas constituées uniquement de verre, mais aussi d'une couche de cristaux liquides qui est enfermée entre deux parois de verre. Ces cristaux sont transparents lorsqu'ils sont alimentés par un courant électrique, mais ils deviennent gris opaques lorsqu'ils ne le sont plus. Si quelqu'un utilise un flash sur de telles vitres, le signal lumineux du flash va perturber le signal électrique et la vitre va alors devenir opaque en une fraction de seconde. Tout cela pour protéger les œuvres. J'ai pas le temps de vous parler de tout ce que je voudrais, mais j'espère que cette chronique vous aura donné envie d'en savoir plus sur les cristaux liquides. C'est vraiment une technologie fascinante. Effectivement, c'est une belle découverte et peut-être assez peu connue mais ultra présente dans notre quotidien. L'émission avance et avec elle, l'envie de s'écouter une petite musique avant d'entamer la dernière partie de l'émission. Écoutons ensemble Televised de Honey et on se retrouve juste après sur Fadjet. De retour sur Fadjet pour la dernière partie de votre émission de vulgarisation scientifique, Mi Science Impossible. Je vais laisser l'agent Justine nous parler de la fabrication de la laine, et ce n'est pas une incitation à mettre un pull en plein mois de juin, ne prenez pas peur. Merci bien Gaëtan. Et oui, c'est une des choses qu'on nous apprend souvent quand on est petit, que la laine vient notamment des moutons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tombes de moutons, mais je trouve ça assez impressionnant la quantité de laine qu'on obtient quand même. Enfin, on obtient un gros tas de poils pas très propres et on est encore loin de pouvoir l'enfiler en hiver pour avoir chaud. Je vous propose alors de vous raconter la fabuleuse histoire de la laine, du mouton au pull. Bien, donc après avoir tondu votre mouton, il existe d'ailleurs nombreuses autres espèces animales dont on exploite leur laine, mais on va rester dans un cas assez simple et qui parle à tout le monde. On va rassembler toute la laine et bien la laver surtout. Donc enlever tous les résidus de terre, d'herbe, de paille, etc. Ensuite, on la sèche bien. Puis vient l'étape du cardage, qu'on appelle, qui sert à démêler les fibres. On met d'abord une solution facilitant le démêlage, et ça se passe dans la carde, qui est un tambour avec plein de pointes en acier qui tournent très vite pour diviser les fibres. Ça ressort sous forme d'un ruban de carde. Ensuite, on a la filature, où les laines sortent sous forme de fil, plus ou moins fin, selon l'aspect désiré. Pour ça, on fait subir aux fibres des étirages successifs et des torsions. Donc on aura des laines plutôt fines et d'autres plutôt épaisses. Puis on va teindre la laine, parce que bon, de prime abord, la couleur n'est pas forcément très attrayante, quoique on peut la laisser comme ça si on veut. En fait, la teinture peut se faire à un peu n'importe quel moment du cycle après le lavage. On plonge les fils ou les rubans dans des solutions colorantes pour obtenir la couleur souhaitée. On précède d'ailleurs souvent ça par le mordansage, qui aide à fixer la teinture. Pour ça, on utilise des produits comme du dichromate de potassium ou de sodium. Si on veut, on peut ensuite la tisser. Artisanalement, on fait ça sur un métier à tisser. Ça permet d'obtenir diverses pièces, comme des couvertures, des tapis, ou d'autres choses comme vous voulez. Quand vous lavez un vêtement en laine d'ailleurs, il ne faut pas le faire à trop de température, sous peine de l'avoir rétrécir, car cela va en fait contribuer à faire glisser les fibres les unes par rapport aux autres, et donc qu'elles se rapprochent, faisant alors moins de surface au final, et donc votre pull par exemple sera plus petit. Ce qui est bien avec cette chronique, et avec les précédentes où nous parlons d'un procédé de fabrication, c'est qu'on termine par avoir une vision plus éclairée sur les objets qui nous entourent. Bon, les amis, je vais pour la dernière fois énoncer la phrase magique, mais je crois bien que c'est l'heure du quiz. Donc ce quiz est aujourd'hui avec un invité, puisqu'on a Raphaël à nos côtés qui va participer. Donc on l'accueille, notre nouvel agent. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Ça fait un peu alcoolique anonyme, mais... Ouais, c'est vrai. Non, ça fait agent... agent anonyme. Agent joueur, puisque je vais te l'expliquer, puis je l'explique aux auditeurs qui prendraient l'émission pour la première fois. On fait un petit quiz sur des thèmes divers et variés, et je pose une série de questions. Il y en aura à chaque fois une sur une réponse vraie sur la liste de propositions. Alors, je tiens à préciser que on n'a jamais dit qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule bonne réponse. Donc, on ne sait jamais. Alors, je vais être transparent avec vous. Aujourd'hui, il y aura à chaque fois qu'une bonne réponse par question. Ok. Bon, très bien. Fais attention, il est fourbe. Je fais gaffe. Non, mais... vraiment. Du coup, le thème d'aujourd'hui, ça sera des faits insolites sur la musique en général. Mm-hmm. Ça sera sur des artistes et... Sur... Ah, je crois que t'es content. Ouais. Vraiment. Donc, première question. Le guitariste du groupe Queen, Brian May, en plus d'être un fabuleux musicien, excelle dans un tout autre domaine, mais lequel ? Quatre propositions, une juste. C'est également un marin hors pair qui a remporté de nombreuses courses maritimes, un incroyable cuisinier qui dirige une brigade d'un restaurant gastronomique, un peintre dont les œuvres sont revendues à prix d'or, mais dont l'argent est récolté pour sa fondation qui lutte pour la défense animale, ou alors c'est un éminent docteur en astrophysique. Alors, avant que tu donnes toutes ces options, dans ma tête, il y avait une voix qui hurlait « Je veux qu'il soit pâtissier ». Donc, fatalement, je vais me tourner vers la réponse B. Cuisinier. D'accord, je prends note. Et vous, Justine, Raphaël ? vu qu'il fait déjà de la musique, bon, c'est un artiste, je me dis, peut-être il va aller vers la peinture aussi. Et en plus, c'est pour la cause animale, donc je vais d'autant plus valider cette réponse. Ouais, mais ça se comprend. Alors, j'aurais dit exactement pareil, parce qu'il y a beaucoup de détails dans cette réponse, en fait. Oui. Et rappelle-toi ce que Bertrand a dit, je suis fourbe. Mais Gaëtan est très fort pour concocter des réponses. Alors, ça se trouve, c'est encore plus fourbe de faire genre c'est faux en disant ça. Oui, c'est ça. Donc, technique. Moi, je n'écoute rien, je dis qu'il est peintre en scred. Eh bien, vous me faites plaisir, puisque... il est docteur en astrophysique. C'était certain que c'était un autre truc. En fait, avant de monter le groupe Queen avec Freddie Mercury et les autres, il avait commencé des études dans ce domaine. Et 30 ans après, en 2007, il passe sa soutenance de thèse et devient docteur en astrophysique. Donc. Comme quoi, c'est pas rien. Plusieurs casquettes et pas des moindres. On peut exceller dans différents domaines et il le prouve bien. Deuxième question sur Elvis Presley. T'as vu qu'il était fourbe. Ouais. t'as prévenu, donc je me suis lâché. Hein. Deuxième question sur Elvis Presley. Cette fois, il y aura trois propositions et une seule vraie, encore une fois. À propos d'Elvis, il a été soutenu par son prof de musique à l'école qui voyait en lui un prodige. Et sans lui, sa carrière n'aurait jamais décollé. Ce serait une belle histoire. Aucun de ses titres n'a été écrit par lui seul, ou bien il est le deuxième plus grand vendeur d'albums de tous les temps, derrière Michael Jackson. Alors, je ne pense pas à la dernière, et j'aime bien les belles histoires. Donc je vais rester sur le A, moi. D'accord. Alors, j'ai l'impression d'avoir entendu récemment qu'il n'avait écrit aucun de ses titres. Impression. Donc tirer sur le B, toi. C'est mon instinct, après... Okay. Donc tirer sur le B, toi. Ouais, de ouf. Bah, je serais plus sur la même réponse, comme quoi il n'aurait pas écrit ses titres. J'avoue que j'ai vraiment aucune idée. Hein, donc, De base, j'irai avec vous, mais j'aime les belles histoires. Eh ben, tant pis pour les romantiques, parce qu'il n'a écrit aucun de ses titres tout seul. Voilà. Donc, t'as peut-être entendu aussi qu'on compte à peu près 760 enregistrements de sa part tout au long de sa carrière. Ah oui, quand même. Eh bien. Et pas un seul titre écrit de ses propres mains. Parfois en collaboration et des fois pas du tout. C'est un bon interprète, mais pas un très bon écrivain. Voilà, il y en a, c'est ça, juste ils interprètent. Et dernière question. On va se pencher sur l'instrument le plus cher du monde. Lequel est-il, selon vous, parmi cette liste de trois propositions? Est-ce un violon du luthier Giuseppe Guarneri, un violon Stradivarius ou une guitare qu'on appelle la guitare Tsunami? Alors, je suis extrêmement déçu, parce que j'avais envie d'entendre parler d'un orgue dans cette question. Et je suis certain que l'orgue aurait gagné. Je ne fais pas du plaisir pour les fans. La sale bête. Alors, pour vous. C'est chaud. Alors, il y a deux violons. Deux violons. Un Stradivarius, un Guarneri et une guitare Tsunami. C'est une guitare Fender Stratocaster. C'est ça qui est compliqué. Je m'attendais à entendre un piano. J'allais dire le piano direct. Pour ma part, j'ai entendu parler que d'un seul des trois. Je ne connais que les violons Stradivarius, donc je partirai sur un Stradivarius. Je prends note. Je vais plutôt aller sur la guitare, mais j'avoue que c'est pas trop mon domaine, la musique, donc c'est un peu de hasard encore. Le hasard a bien fait les choses à la question d'avant. C'est vrai. Alors, vu que j'ai pas envie de me faire fourber, j'aurais tendance à dire... Moi, j'aurais dit aussi la guitare, parce que c'est un instrument grave utilisé. Bon, le violon aussi, hein. Mais je sais pas, la guitare, j'espère que... Surtout que, a priori, guitare Tsunami serait une guitare particulière qui a été... Elle a une particularité, qui a été utilisée par un certain artiste sur scène, pour une chanson ou quelque chose comme ça qui était... C'est pas très loin, parce que la guitare Tsunami, en fait, elle a surtout été signée par un collégial de musiciens célèbres, dont Paul McCartney, Eric Clapton, Keith Richards et Brian May, dont on a parlé tout à l'heure. Même moi qui suis une quiche avec les noms des musiciens, j'en connais quelques-uns. Ouais. Et son prix, c'est 2,7 millions d'euros, son prix estimé. C'est pas mal. Mais c'est pas l'instrument le plus cher. Ah, ouf. C'est pas le Stradivarius non plus. Et lui est pourtant coté à 11 millions. Oh là là. Mais c'est le violon de Giuseppe Guarneri, qui est estimé à une quinzaine de millions d'euros et qui date du 18e siècle. Par contre, je tiens quand même à préciser que sur l'ensemble de tes tests, J'ai pas les statistiques exactes, je l'ai pas fait, mais je suis sûr que tu nous as planté sur plus de la moitié des questions. Oh oui, et c'est pas de l'avantardise, mais je crois que oui. Ouais, c'est vrai que tu dois pas être loin de ça, ouais. Justine, elle était toujours trop gentille dans ses quiz. Oui, c'est vrai que... Moi, je suis the dark side of the moon. Enfin, beaucoup trop d'imagination, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Ouais. Bah, mine de rien, c'est... Là le dernier, c'est pas forcément de l'imagination. Enfin, si, je ne vais pas enlever de mérite à Gaëtan, mais le fait de savoir les prix des instruments, ça aide aussi. Mais j'étais absolument pas dedans sur la musique. Mais j'aime bien ce genre de quiz parce que c'est sur des les quiz à la fin d'émission sont toujours sur des domaines sur lesquels on ne connaît rien ou presque, ou si on y connaît quelque chose, ouais, c'est de la pure chance. Et au final, c'est entre guillemets une partie qui est faite pour s'amuser, mais on y apprend toujours quelque chose. Ouais, ça, donc c'est je vous invite à aller réécouter les précédents quiz pour apprendre de nouveau des faits étonnants si vous ne les savez pas. Je n'aurais pas dit mieux. Ouais, non plus. Donc ça y est, il est l'heure. L'heure pour nous de clôturer cette saison de Missions Impossibles. Avec tristesse. L'heure pour nous de remercier l'ensemble de l'équipe de Fadjet, qui nous a fait confiance tout au long de l'année, qui a laissé l'opportunité à 3 étudiants de partager leur curiosité scientifique et leur goût pour la science, et surtout qui nous a tous soutenus pendant cette aventure. Enfin, nous souhaitions remercier les auditeurs qui ont un jour tendu l'oreille par ici et se sont arrêtés pour nous écouter et comprendre ce que nous avions à dire. Alors pour la dernière fois, c'est ainsi que s'achève cette mission de Mission Impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Il y a toujours la chaîne YouTube de Mission Impossible où vous pourrez réécouter l'intégralité de nos émissions. Je pense moi-même y faire un tour pendant l'été, par pure nostalgie, je l'avoue. Sur ce, bonne route à tout le monde et souvenez-vous que comprendre la science n'est jamais une mission si impossible que ça. Bonne continuation sur les ondes de Fadjet. Au revoir. À bientôt peut-être.